Bonjour Marie-Hélène, 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Commencerait par la période des 3 Augustes et des 5 Empereurs. Se succéderaient alors les dynasties Xia, Shang, Zhou occidentaux et Zhou orientaux, mais aussi Xin. Bien plus récents sont les 3 royaumes Sangao, puis les Jin et Song, Liao et Ming, les Qing achevant en 1912 ce phylum impérial. Tout le monde a bien entendu remarqué que nous avions omis dans cette longue chronologie une des plus importantes dynasties qui, peu à peu, livre ses secrets aux archéologues et que le musée Guimet présente avec faste, les Han. Pour l'occasion, j'ai rencontré les deux commissaires de l'exposition « Splendeur des Han, l'essor de l'Empire céleste », Éric Lefebvre, conservateur, et Yuexiong Cao, ingénieur au musée Guimet. Cette année 221 est évidemment majeure. Qin Shi Huang Di, le premier empereur, s'impose sur la totalité du territoire de la Chine. C'est le résultat de plusieurs décennies de luttes armées au cours desquelles le royaume de Qin l'a emporté sur tous ses adversaires. Donc nous avons pour la première fois un empire unifié avec à sa tête un souverain qui impose l'unification des poids, des monnaies, de l'écriture. Il ouvre une nouvelle page de l'histoire de la Chine. Et puis bien sûr, la muraille. Il existait déjà des tronçons de murailles à l'époque des royaumes combattants, du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Les royaumes du Nord en particulier avaient construit déjà des murailles. Le premier empereur les unifie. L'unification perdurera, bien sûr, mais en revanche, la dynastie Qin s'effondrera rapidement, probablement due aux guerres. Oui, c'était une dynastie qui a duré très peu longtemps. Il y avait surtout la descendant des royaumes combattants et l'empereur Qin Shi Huang, il avait une politique très très sévère. Donc il y avait vraiment une sorte de rébellion généralisée dans tout l'Empire. Donc dès sa mort, l'Empire s'est décrépité en petits morceaux. Donc Liu Bang a profité de cette situation et rallié avec plusieurs généraux et qui ont réussi à renverser la dynastie qui a duré à peine 15 ans. Donc Liu Bang est le nouveau personnage important et il crée cette fameuse dynastie qui nous intéresse aujourd'hui, les Han. Oui, Liu Bang, l'un des chefs rebelles, va bientôt l'emporter sur tous les autres. Et à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, en 202, il s'impose, il crée une nouvelle dynastie, les Han. Et cette nouvelle dynastie va régner sur la Chine pendant près de 4 siècles. Alors c'est assez compliqué parce que avoir la chronologie des Han qui s'étire entre 206 avant notre ère jusqu'à 220 de notre ère semble assez complexe pour un non-initié. Il y a les Han antérieurs, les Han postérieurs, le tout semblant être entrecoupé d'un usurpateur Wang Mang, c'est bien ça? Souvent, on utilise l'expression Han de l'Ouest pour désigner la première partie de la dynastie, au 2e siècle, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi les Han de l'Ouest? La capitale se trouve alors dans l'ouest du pays. C'est la ville de Chang'an, la Grande Paix, qui correspond à la ville actuelle de Xi'an. Ensuite, au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, nous avons les Han dits de l'Est. Leur capitale se trouve à l'est du pays. C'est la ville de Luoyang. Entre les deux, nous avons un intermède au cours duquel un personnage qui est issu de la famille d'une impératrice, Wang Mang, va petit à petit s'arroger des postes de plus en plus importants jusqu'à finalement fonder une dynastie en 9 après Jésus-Christ. Mais il lancera une série de réformes catastrophiques, si bien que en 23 après Jésus-Christ, à nouveau les Han, une autre branche de la famille impériale des Han, reprend les rênes du pouvoir. Éric Lefebvre, vous me parliez des capitales, mais qu'est-ce qu'il reste des palais et des grandes capitales de cette dynastie, Xian par exemple, pour les Han antérieurs? Pour la ville de Chang'an, qui correspond à Xi'an, il reste assez peu de choses. Si l'on se rend sur le site, on ne se trouvera pas en face de hautes tours ni de grandes murailles. Et pourtant, les archéologues ont pu situer avec beaucoup de précision l'emplacement des portes de la ville, l'emplacement des différents palais qui constituaient la ville, avec aussi ses marchés, ses habitations pour le peuple. Et ils ont pu en déduire que la ville de Xi'an occupait une surface tout à fait considérable, qu'elle accueillait à son apogée plus d'un million d'habitants. Tout ça a été fouillé, Madame Tsao. On a retrouvé beaucoup de choses dans ces palais où ça a été extrêmement pillé au préalable. On a pu tracer déjà le plan de capitale. Il y avait beaucoup de choses, par exemple des éléments d'architecture, des tuiles, des éléments de canalisation. Et donc, pour montrer déjà la structure de l'urbanisme de l'époque, c'était bien posé. Et à travers ces objets, on peut imaginer, essayer de construire le Chang'an de l'époque. Alors justement, Éric Lefebvre, cette tuile là-bas est vraiment très belle, très chinoise, bien sûr, on va dire historiée, elle viendrait de Xi'an. Nous avons ici quelques tuiles dont le décor est principalement fait de caractères chinois, avec des inscriptions bénéfiques, et ces inscriptions parfois correspondent au nom des grands palais où demeurait l'empereur. Et il faut imaginer que pendant des siècles, tous les lettrés chinois qui, grâce aux histoires dynastiques, connaissaient fort bien ces noms de palais, ne connaissaient des Han aucun vestige matériel, si ce n'est ces quelques tuiles qu'ils conservaient et qu'ils collectionnaient précieusement. Éric Lefebvre, c'est une archéologie qui est essentiellement funéraire que vous présentez dans cette exposition. L'archéologie des Han, oui, a été longtemps et est toujours une archéologie essentiellement funéraire, même si pour les dernières années, on voit que les archéologues chinois ont élargi le champ de leurs recherches à des sites urbains, des sites de villages, des sites de forteresses ou encore des sites de production de céramique ou de métallurgie. Mais pour ce qui est de notre exposition, on peut dire que presque 90% des objets proviennent de tombes, des tombes qui étaient exceptionnellement riches par leur contenu et qui reflètent tous les aspects de la vie quotidienne. Les tombes des empereurs Han ont-elles été fouillées ? Les tombes des empereurs Han, principalement, ont été préservées pour le futur, pour les archéologues, pour les générations à venir. Néanmoins, l'une d'entre elles, qui s'appelle la tombe Yangling, de l'empereur Tingdi, qui a vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ, a été partiellement fouillé. Partiellement, puisqu'on a épargné la chambre funéraire de l'empereur, située sous le tumulus, et qu'on s'est cantonné aux fosses annexes, les fosses latérales, mais qui étaient déjà extrêmement nombreuses, 81 fosses pour le seul mausolée de Tingdi, sans compter toute une ville qui était peuplée des ouvriers qui avaient construit le tombeau et plus tard de tous ceux qui venaient chaque jour pour faire des offrandes pour l'empereur. Éric Lefebvre, c'est très intéressant de la part du gouvernement chinois de ne pas fouiller les tombes d'empereurs, ou du moins, le sarcophage de l'empereur, mais de tourner tout autour. Parce qu'à la limite, c'est ce qui a été fait dans la fameuse tombe de Tijuanti. Oui, pas plus tard que la semaine dernière, nous avions ici un archéologue, le responsable du service archéologique de la ville de Xi'an, et il montrait bien que ces sites, évidemment, sont connus, des sondages sont faits pour avoir des relevés très précis dans le but de protéger et de conserver ces tombes, mais sans doute le chantier de la tombe du premier empereur a été riche d'enseignements puisque un grand nombre de soldats avaient été retrouvés encore munis d'une belle polychromie et que malgré tous les efforts d'équipes chinoises et internationales, au fil des années, on a vu ces couleurs s'effacer. Donc je pense qu'il y a là aussi une mesure de prudence, de se dire qu'effectivement, à l'avenir, on disposera de meilleures techniques de conservation et de restauration pour ces tombes impériales. On va se diriger vers ces petits personnages. De quoi s'agit-il exactement, des petits guerriers ? Alors, il s'agit ici d'un ensemble. En première ligne, nous voyons une série de fantassins avec le bouclier au pied. Il faut imaginer qu'ils avaient aussi des armes à la main. L'un d'eux semble être en train d'écrire. Et derrière, nous avons une rangée de cavaliers qui semblent aussi prêts à partir à la charge. Alors ici, nous avons bien sûr un tout petit échantillon. Il faut imaginer que ces tombes, qui étaient des tombes de généraux du 2e siècle avant Jésus-Christ, ces tombes comprenaient beaucoup plus de soldats, jusqu'à 500 cavaliers. Donc c'était aussi quelque chose de très important que la conception d'un ensemble, l'unité d'un ensemble. Et dans cette conception de l'au-delà, l'unité de l'armée avait certainement aussi une efficacité rituelle. Donc, si je comprends bien, ces petites figurines étaient réparties à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la sépulture. Elles étaient toutes enterrées en bon ordre à l'intérieur et à l'extérieur de la sépulture. Mais la sépulture était un ensemble complexe, puisque au-delà de ces fosses, on pouvait encore trouver une enceinte, et à l'intérieur de cette enceinte se trouvait aussi parfois le mausolée, par exemple, de l'impératrice ou de serviteurs particulièrement distingués de l'empereur. Alors vous présentez aussi, Éric Lefebvre, le mobilier de nombreuses tombes princières, surtout du 2e siècle avant notre ère. Je pense forcément à Liu Shang ou Do Wan, son épouse. La découverte des tombes de Liu Shang et Do Wan dans les années 60 a été quelque chose d'extraordinaire. Ce sont deux tombes jumelles, creusée à même la roche, au sommet d'une montagne, découverte tout à fait par hasard et qui a été restée inviolée pendant plus de 2000 ans. Ces objets contenaient un certain nombre de substituts funéraires, mais surtout, ils contenaient un grand nombre d'objets précieux, des objets qui étaient utilisés à la cour de Liu Shang et qu'il a souhaité emporter dans sa tombe. Alors, on trouve par exemple de grands vases pour le vin, particulièrement précieux, vases de bronze incrustés d'or et d'argent, avec aussi parfois des incrustations de verre. On trouve à côté de ces objets usuels qui pouvaient servir pour les banquets, des objets qui ont un contenu plus rituel, comme par exemple ce brûle-parfum en forme de montagne mythique, la montagne Bo, et par lequel on peut imaginer que les résines, une fois allumées, dégageaient des sortes de volutes qui baignaient ces pics où on trouve aussi bien des personnages en train de chasser que toutes sortes d'animaux sauvages. C'est quoi cette montagne magique d'eau ? Alors cette montagne magique, elle fait partie d'un ensemble de lieux qui étaient considérés comme des paradis dans la pensée taoïste chinoise de cette époque. Il faut se souvenir que le premier empereur, mais aussi de nombreux empereurs des Han, se mettaient à la recherche de ce paradis que l'on imaginait par exemple situé dans les mers de l'Est ou encore sur les montagnes de l'Ouest, comme le mont Kunlun. Jie Wanti avait lancé lui aussi une expédition un peu avant. Sous le premier empereur, il a envoyé des jeunes garçons à la recherche de cette île Penglai, et qui se situe dans la direction du Japon, le Shandong, et ils sont revenus sans trouver. Et à l'époque, les gens s'imaginaient qu'il y a les immortels qui vivaient sous ces montagnes, mais au fait, c'est déjà l'ébauche du taoïsme. Comment on devient immortel à travers différentes façons de cultiver son corps. Et c'était vraiment à l'époque Han, avec des découvertes archéologiques à travers les peintures ou des descriptions. Tout ça, c'est lié ensemble. Transculture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Juste à côté aussi, quelques très belles sortes de, on dirait quoi, des patères zoomorphes. Ici, ce sont des objets qui proviennent d'un char d'apparat. Ces chars étaient très importants. On les retrouve en bonne place, voire même à une place majeure dans les tombes de l'époque des Han. Dans le cas de Liosheng et de Douan, on en a retrouvé en grand nombre. Cela permet aussi de comprendre comment était conçu l'espace de ces tombes. À l'entrée des tombes de Liosheng et de Douan, on avait deux couloirs latéraux qui étaient conçus comme des pièces, des espaces dédiés. D'un côté, on avait la resserre qui contenait beaucoup de denrées et aussi d'alcool. Et de l'autre côté, on avait justement ces chars, un petit peu comme on aurait pu avoir dans un palais l'écurie et puis peut-être la resserre, tous les lieux de stockage pour la nourriture. Vous présentez aussi donc le mobilier de nombreuses tombes, mais pourquoi les élites chinoises ont toujours inhumé leurs morts avec un mobilier très riche au sein de structures funéraires parfois gigantesques ? Alors, c'est quelque chose qui est très important dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Sans doute, cela est lié aussi à une évolution sociale au moment où on s'aperçoit que se développe l'urbanisme, se développe une société hiérarchisée autour d'un roi. On voit aussi apparaître de grandes sépultures qui contiennent un matériel très divers, où le bronze et le jade dominent. Et cette tradition, elle va se poursuivre jusqu'à la fin des royautés archaïques, et évidemment à l'époque impériale, avec cette fois une nouvelle pensée qui est cette idée que justement on peut aussi substituer à tous les sacrifices qui étaient importants au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, substituer aux sacrifices, et bien justement ces substituts funéraires, c'est ce qui explique la présence de toutes ces figurines en terre cuite dans les tombes. C'est une tradition qui va se poursuivre presque, on pourrait dire, jusqu'au XXe siècle. Madame Cao, peut-on dire que l'au-delà est donc à l'image du monde terrestre ? Tout à fait. Parce qu'ils veulent amener avec eux ce qui est vivant de cette terre pour aller au-delà. Et ils pensent dans au-delà, on doit vivre comme sur terre. Et ça, c'est une idée qui partait avant l'époque Han, dans les royaumes compagnons, ou même avant le Shu Le Zhou. Et surtout au royaume combattant, dans tous ces royaumes richissimes, il y avait une sorte de compétition entre les royaumes. Donc ils veulent amener toujours les choses les plus extraordinaires, les plus luxueuses avec eux dans les tombes. Donc au fait, justement, dans les archéologies funéraires, on peut voir les chambres funéraires, ça se construit petit à petit comme une maison, un palais souterrain. Donc c'est vraiment la preuve que les morts, ils veulent vivre comme sur terre. On va avancer, mais une curiosité aussi, on reconstitue, oui, une sorte de vie quasi réelle avec des personnages, mais tous ces personnages sont miniatures. Vous présentez des petites statuettes miniatures, vous présentez même des petits chars miniatures. Effectivement, il y a eu plusieurs traditions en matière de substituts funéraires. On a tous en tête la découverte de la tombe du premier empereur avec ces soldats qui sont grandeur nature, mais qui sont plutôt une exception. La tradition, en particulier la tradition venue du sud de la Chine, était d'avoir des substituts qui soient plutôt des représentations en miniature. Et cette miniaturisation, elle recouvre des réalités différentes. On a des personnages, bien sûr. On a aussi parfois des éléments comme des éléments de char, des sceaux, des éléments de vêtements qui ont été réduits. Et d'ailleurs, parfois, on est surpris en voyant, par exemple, les chars de bronze qui sont présentés au milieu de l'exposition. On est surpris de voir justement comment les moindres éléments du système d'attelage ont été reproduits avec une immense précision. La place du guerrier est omniprésente. Pour exemple, vous présentez cet extraordinaire linceul juste en face de nous, un linceul de jade récemment découvert. Dans la région de Suzhou, sur le littoral au nord de la Chine, on a découvert beaucoup de ces objets qui proviennent de l'ancien royaume de Chu. parmi les plus importants membres de la famille impériale. Certains portaient ce titre de roi et ils pouvaient être enterrés comme l'empereur lui-même, avec un linceul de jade cousu de fil d'or. Certains rituels de l'époque des Han précisent d'ailleurs la hiérarchie, fil d'or pour l'empereur, fil d'argent pour des dignitaires moins importants et fil de cuivre, enfin, pour d'autres personnages peut-être distingués par l'empereur, mais qui n'auraient pas été des membres de la famille impériale. Donc celui que vous présentez, je le regarde d'un peu plus près, visiblement ce sont des plaques de jade assemblées et qui semblent assemblées donc par des sortes de petites agrafes en or. Alors évidemment nous avons sous les yeux un objet qui a été reconstitué. Il faut imaginer qu'il contenait le corps du défunt qui était ainsi entièrement enveloppé de jade comme dans une armure avec un seul orifice qui est ménagé au niveau du sommet du crâne et qui certainement correspondait à la conception de l'âme et de la circulation de l'âme après la mort du défunt. Donc l'âme pouvait et devait s'échapper par le sommet du crâne et on prenait d'ailleurs soin que tous les autres orifices du corps aient été obturés par du jade. Qu'est-ce que nous apportent les textes? Là, nous parlons bien sûr d'archéologie, mais il y a quelques textes absolument fondateurs pour l'époque Han. Je pense à Sima Qian, par exemple. Il y a la mémoire historique de Sima Qian. Ensuite, parce que Sima Qian, c'est un premier vraiment historien de la Chine, qui est un personnage extraordinaire, qui a un vécu extraordinaire. Il a accueilli tous les écrits avant les Han. Donc, au fait, il a commencé à raconter l'histoire de la Chine ancienne, avant les grands empereurs mythiques, jusqu'à l'époque Shang et Han occidentaux. Donc, vous savez, au début du XXe siècle, l'archéologie chinoise était un peu allée en l'encontre de, pour essayer de prouver ou contre-prouver de ce qu'il a écrit. Et finalement, on a vu que ce qu'il avait écrit, tous ces rois anciens de l'époque Shang ou Zhou, ça corrompt avec ce que découvert l'archéologie. Donc, c'est pour dire qu'il y a plus de 2000 ans, ce premier vraiment historien chinois, comment c'était il est allé assez loin pour aller chercher la vérité de l'histoire. Donc après, c'est vrai, ça devient un peu l'histoire officielle de la Chine. Mais quand même, beaucoup de gens puissent dans ces textes pour reconstituer l'histoire de la Chine ancienne. Et ensuite, après Han postérieur, il y avait des historiens qui s'appellent Pankou a écrit le Han Shu. Et ensuite, plus tard, il y a aussi un historien Fan Ye qui parle de l'histoire des Han postérieurs. Donc ça, c'est au moins trois ouvrages qu'on a pu avoir pour étudier l'histoire des Han. Vous présentez d'ailleurs des textes, de très beaux textes, donc de la calligraphie. Parallèlement, c'est vrai, à tous ces textes transmis, l'archéologie révèle aussi des textes qui sont très précieux. Par exemple, un texte très important, les chroniques des royaumes combattants Zhang Guozi ont été retrouvées dans une tombe du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et ces versions retrouvées sont bien sûr très passionnante, puisqu'on peut les confronter aux traditions transmises et s'apercevoir justement des déformations, transformations, interprétations des textes au cours des âges. Ces textes ont aussi une valeur esthétique. La calligraphie, à l'époque des Han, on peut dire que l'écriture devient un art dans la mesure où, pour les périodes précédentes, il arrivait que l'histoire est retenue. Le fait que tel ou tel ministre avait une calligraphie remarquable, mais elle ne retenait jamais le nom d'un homme pour les seules qualités de sa calligraphie. Or, à partir des Han, c'est le cas. Pour la première fois, des gens entrent dans l'histoire parce qu'ils ont une belle écriture. C'est quelque chose de très important dans la conception de la calligraphie en Chine. Derrière la Grande Muraille, nous voici durant une période de stabilité politique, de prospérité économique, qui fait de l'époque des Han un moment essentiel dans la formation de l'identité chinoise. d'une certaine manière, les Han vont profiter des acquis du premier empereur. C'est par exemple l'unification monétaire qui reste un principe, qui va même être renforcé par l'empereur Han Wudi, le grand empereur des Han, et qui va même se réserver le droit de battre monnaie. Monnaies qui sont mises en circulation par Han Wudi, les Wuzhou, vont circuler pendant près de 7 siècles, donc bien au-delà la fin de l'époque des Han. Les Han sont aussi une période de prospérité, puisque l'agriculture, qui est le fondement de l'économie, devient de plus en plus performante grâce à l'irrigation, grâce aussi à une science agricole qui s'affirme. Les premiers traités d'agronomie chinois connus datent précisément de l'époque des Han. On connaît ainsi, par exemple, les systèmes d'assolement qui étaient imaginés par les agronomes de cette époque. Et on sait effectivement que les rendements, mais aussi la surface de terre cultivée, a considérablement augmenté à cette époque. Et puis c'est une diplomatie forte qui favorise les alliances lointaines, les échanges. On pense bien sûr à l'époque Han, c'est la naissance de la route de la soie. Les Han, c'est aussi une avancée chez l'ennemi héréditaire, le nomade Xiongnu. La politique extérieure des Han est contrastée. On s'aperçoit qu'il y a des phases différentes et certainement le début de la dynastie est marqué par une domination du peuple Xiongnu, ces peuples nomades qui se situaient au nord du territoire des Han et qui formaient à cette époque une puissante confédération, si bien que à cette époque, on s'aperçoit que les Han mènent une politique de conciliation qui comporte plusieurs aspects, notamment un système d'alliance matrimoniale. Ce sont les princesses chinoises mariées avec les chefs Xiongnu qui rentreront dans la légende et puis qui alimenteront aussi toute une littérature pendant des siècles. Ce sont par ailleurs toute une politique de tribu avec le versement régulier de denrées, dont la plus importante est la soie. Et évidemment, ces tribus, ils vont aussi alimenter ce grand commerce de la soie qui va circuler à travers tout le continent eurasiatique. On peut dire que la fin des Han en 220 signe réellement de nouveau le morcellement de la Chine, Éric Lefebvre. Il y a eu différents événements qui ont annoncé cette fin des Han. Sans doute le nouveau pouvoir qui s'installe à Luoyang au début du 1er siècle a-t-il une assise différente de celui des Han antérieurs au 1er ou 2e siècle avant Jésus-Christ. Il repose sur le pouvoir des grands propriétaires terriens. D'ailleurs, l'empereur lui-même était issu de cette classe sociale. Et petit à petit, sans doute, le pouvoir des grands propriétaires terriens augmentant, cela a bien sûr nourri le mécontentement dans les classes paysannes. Et on voit qu'il y a un certain nombre de rébellions qui rythment le deuxième siècle et qui vont précipiter la fin de l'Empire. On se rend compte aussi que à l'intérieur du système politique, la communication fonctionne moins bien. Il y a des luttes de factions au sein de la cour, luttes qui opposent eunuques et fonctionnaires, et où parfois la famille des impératrices joue un rôle important. Et donc tous ces éléments vont petit à petit miner la dynastie des Han jusqu'au moment où finalement Cao Cao va s'arroger le pouvoir, et ça va tout de suite amener cet épisode des trois royaumes qui n'est que le début d'une longue, longue période de morcellement qui durera plusieurs siècles. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Kevin Lebar, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster l'émission sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richeux.